的不曾等了天。Conte Colombe chi confrua Pur quasi pere tante pene Tutto fondo in un sete già Che non sono l'autre o se perda la vie Che moi sans toi je perds, j'ai t'en pris tout Petit homme, ne me quitte pas Petite femme, j'amourai L'amour pour nous sera ce qu'il sera Mais ne nous séparons jamais Non, l'amour pour nous sera ce qu'il sera J'ai fait des erreurs, oui je sais Mais tout changera, tu verras Je t'en supplie tout, petit homme, ne me quitte pas. Oh non, moi, petite femme, je mourrai sans toi. La pluie sur nous tombe aujourd'hui. C'est un orage, c'est fini. Je te pardonnerai, j'oublierai tout Ne soyons plus si fous, je t'en prie tout Petit homme, ne me quitte pas Ouh, oh, moi, petite femme, j'amourai L'amour pour nous sera ce qu'il sera Moi, petite femme, je mourrai sans